c'est une autoroute là. La lumière à l'ombre, on est en bâton hall. Un équipage tombe, des gants noirs, c'est ma clique. Pareil, c'est Poudlard, mais des lignes, c'est magique. C'est pas moi qui danse, c'est mes jeans qui m'agitent. J'te reconnaîtrai, j'te reconnais traître. Ça va, ça vient, ça repart dans une boîte. Des matins, le soleil se lève pour tout le monde. Des matins, la braque se lève que pour moi. Si t'essayes de me faire, tu te réveilles assez tôt. Acheter des balles vides et le chargeur, ça détend. J'suis pas devenu un loup pour finir en chien. Ouais, vas-y, l'ancien, mange tant que t'as des dents. Quand la vie nous balave, c'est de la haute couture. On assume la suite, sous 2 grammes de puff. Les carottes sont cuites, personne parle de meuf. Personne parle de fille, trouve-moi des balles de neuf. J'suis moitié bâti, j'suis moitié cara. Des dragons dans mon dos quand toi t'es pas là. La sauce en boîte, pousse-toi, j'ai le doigté. Pousse-moi d'un machin, j'te fais le Guatemala. J'ai déjà tout lâché dans les bras de mon frère. Crache pas le nom des morts, sans remords sur le crâne. Les regrets d'une vie, les larmes d'un homme ne couleront jamais comme les pleurs d'une femme. Ferme son, l'équipe est au cas. Ush, ush, l'équipe est au cas. Ush, ush, l'équipe est au cas. Ush, ush, l'équipe est au cas. Ush, ush, Algi Paris Bagdad. Ouais, Algi Paris Bagdad. Ouais, Algi Paris Bagdad. Ouais, Algi Paris Bagdad. Ouais, l'équipe est au cas. Ush, ush, l'équipe est au cas. Ush, ush, l'équipe est au cas. Ush, ush, l'équipe est au cas. Ush, ush, Algi Paris Bagdad. Ouais, Algi Paris Bagdad. Ouais, Algi Paris Bagdad. Ouais, Algi Paris Bagdad. Ça coûte une cuillère pour m'évader. On sortira de là en coupant le grillage. Des braqueurs de fret, de centre de triage. Ça sent pas le sapin, ça pue l'embrayage. En ce moment c'est tendu, on sort pas de nos villes. T'as pas vu mon pif, me prends pas profil. Va niquer ta mère, ça fait 4 mobiles. Sorti 4 pour plaque, on fasse ton Batmobile. Kader est sorti, gros son racketeur. On trahit pas la Honda, gros t'as craqué. J'arrive dans ton club pour chanter une heure. En partant je récupère tout ce que t'as claqué. Qu'elle descend son jean, qu'elle garde ses talons. Devant qu'elle saute, tu verras qu'elle dit pas long. Ma chair cassée, j'ai visé le haki. La balle qui est partie, revient pas dans le canon. J'rappe au style de vie, tant qu'il reste du flow. Gros frère j'ai frappé, j'ai pris votre huiblot. J'suis dans la dream team, j'récupère ma prime. À l'heure de ton crime, j'ai pris ta hublot. J'sais pas dire adieu, j'sais pas dire je t'aime. Le démon sorti, j'me retiens plus courir. Les regrets me tuent, les souvenirs me prennent. Dans